Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. La non-violence, c'est pas l'absence de rapport de force, et ça veut dire que au niveau géopolitique, national, international, on a eu besoin aussi d'établir des rapports de force. Est-ce que tu peux me raconter comment on est arrivé à cette normalisation de la non-violence? Quels ont été les points de rupture, les moments de bascule qui ont permis de passer de cette époque de l'ultra-violence, l'ultra-possession, l'ultra-prédation à cette nouvelle époque des 2030 glorieuses de la non-violence et de la coopération? Bah en fait, d'une certaine façon, c'est grâce au changement climatique, c'est-à-dire que l'aggravation des conditions d'habitabilité de la Terre a clairement mis la lumière sur le fait qu'on est tous ensemble sur un seul bateau, hein, la planète Terre, un seul monde fini, et que comment dire, chaque individu, chaque groupe, chaque nation a un rôle à jouer, et que c'est seulement la coopération qui permet de s'en sortir, quoi. Ça me fait penser à ce livre qu'a écrit Pablo Servigne avec Gauthier Chapelle dans les années 2020. Je sais pas si tu te souviens de ce livre qui s'appelait L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui dit qu'en fait, voilà, on sait aujourd'hui que dans l'évolution du vivant, l'entraide fonctionne beaucoup mieux que la compétition. Et c'est ça qui est, en fait, c'est ça que le réchauffement climatique nous a permis de prendre conscience avec toutes les cataclysmes qui l'a amené. C'est que, en fait, on a besoin les uns des autres, et que la seule stratégie de survie viable, c'est la coopération. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuses qui existent depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe, ou en ligne, et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.